partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cindy. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Cindy, c'est maintenant sur Skyrock. Je suis tellement pressé d'accueillir Cindy que j'allais oublier le jingle. Comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Prête pour cette dernière soirée? Oui. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, l'album, ça y est, il est dans les bacs. Oui. Depuis ce matin, t'as été le voir un peu ou pas? Ben, j'ai été l'acheter surtout. Ah bah. Et puis c'est le petit acte que tu as devant toi? Non, ça c'est celui des gagnants. D'accord, ah oui, parce qu'il y a des gagnants ce soir. Exactement, que nous annoncerons tout à l'heure. Des selfies, des mises en scène de selfies, on vous en reparlera d'ici quelques minutes. Et des gagnants qui vont partir avec l'album dédicacé. Exactement. Par Cindy. Donc tout va bien? Tout va très bien, ça va, tranquillement. C'est fait, le bébé est lâché. On n'est pas trop mal, ça va. Ça se passe bien. Je suis contente, ça se passe bien. Ça peut aller encore mieux, n'hésitez pas à aller récupérer l'album. Allez le chercher, allez le sur iTunes, en physique, comme vous voulez, allez le prendre, il est génial. Et puis réagissez si déjà vous avez l'album et écoutez les morceaux, quels sont vos morceaux préférés avec le hashtag Cindy sur Skyrock. On va se rappeler un petit peu ce qui s'est passé avant de présenter les invités de ce soir. Oui. Avant de faire un petit jeu ensemble, j'ai un petit jeu cahier de vacances ce soir pour toi. Ça va te rappeler les moments où peut-être tu as fait ça aussi, les cahiers de vacances. Bien sûr, comme aussi. Tous les enfants du monde. Tout le monde. Pense. Nous allons retourner en effet en enfance d'ici quelques minutes avec Cindy. Ne bougez pas, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé durant cette semaine. Une petite compilation des meilleurs lives, des meilleurs moments avec Cindy, ça donne ça. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Libre, juste s'oublier, aller chercher l'amour caché et vivre, laisser le passé avec sa douleur quelques heures s'envoler. Planet Rap. J'ai pas peur d'être blessée, mon présent, mon passé, j'ai tout ça tatoué. Yeah. La vie m'a rien donné, mais j'ai su pardonner sans jamais me lamenter. Yeah. On peut décrocher la lune, l'impossible est plus encore. Même si je dis sans rancune, j'envoie tout dans le décor. Donner du quartier jusqu'à ce que le rap me délivre. Donner avec le cœur, on n'apprend pas ça dans les livres. Avec passion, chante ma génération. Finira tous aveugles avec la loi du talion. Planet Rap. I'm a care for you. I'm a care for you. Yeah. But you were. Planète Rap. Augmente les volumes, fais ronronner les basses. En ce moment, je suis off parce que tout le monde m'agace. Demande à mon gagasse, on a déjà mis les gaz. Sauf le succès, l'espace, on est déjà dans l'espace. Toujours bien sapé, première de la classe. Dès que dans un parking, que t'auras ma place. Mes côtés rapés te provoquent de l'as. Mais beaucoup de les ratés, mais après ça menace. Toujours en tête du peloton, même avec les mains menottées. Le flow carré comme Louis Vuitton. On garde notre froc, on est culotté. Yeah. Planet Rap. Pas la peine de crier, tu t'es fait griller. Jouer, mais je suis plus fort que toi. Aïe, aïe, aïe, tu les voulais toutes. Au final, tu cours, mais y'a plus personne. Aïe, aïe, aïe, je n'ai plus de doute. Il n'est plus question que je te pardonne. Bye, bye, bye, c'est chacun sa route. Ce n'est plus la peine que tu me klaxonnes. Planet Rap. You know, l'argent pensait qu'à ça. Grosse barbe, grosse voix, mais c'était pas cassable. You know, mes gars sont encore sous son golal. Je suis dans la violence gratuite, pas dans le bénévolat. You know. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. C'est pas les mêmes mélodies. Planet Rap. Le Planet Rap avec Cindy cette semaine. Beaucoup d'invités. On va saluer ceux qui sont passés. Lafouine, Sultan, Tal qui est passé. On a eu David Carrera, Walidia, Siana. Vu Fababi, Siana. Et je crois qu'on a oublié personne. Non, on a oublié. Big Flo et Oli qu'on a eu par téléphone. Un petit coup de fil avec les frangins, Big Flo et Oli également. Voilà. Et puis d'autres invités ce soir aussi. Oui. Ce soir, c'est Team Producteur. C'est exactement ça. Ce soir, j'ai fait venir. Ils ont accepté de venir, donc la team de Scalp, quoi, qui a réalisé mon album. On est présent dans un instant. Voilà, on fait ça. On débute avec un morceau, c'est S'envoler comme c'est d'hab. C'est parti. C'est extrait de Selfie avec Hashtag Cindy. Cindy sur Skyrock, l'album est disponible. Depuis aujourd'hui. Au cœur de la passé ressurgit et tous ces démons lui reviennent. Ils ont brûlé ses chances au lieu de prendre soin d'elle. S'envoler à l'instant, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui, l'album de Cindy, notre invitée toute la semaine entre 20 et 21. D'ailleurs, puisque ce soir on va se consacrer aussi aux gens qui ont bossé avec toi, les producteurs de l'album. Ouais. Ouais, ouais. Le premier souvenir que tu as quand tu réécoutes ce morceau S'envoler, c'est quoi? C'est en studio? C'est quand tu as découvert S'envoler, la prod? Ouais, je pense à Johan et Rami. Bah, c'est avec lui que je l'ai enregistré, on l'a réenregistré plusieurs fois. On a modifié les paroles, je pense à lui en fait à chaque fois parce qu'on avait beaucoup rigolé puisque j'étais vraiment fatiguée ce jour-là et je disais que des conneries, mais tu sais les paroles de la fatigue, voilà. Et voilà, on avait bien rigolé. Bon alors tu veux présenter quand même quelqu'un qui est à tes côtés, qui fait partie de cette équipe, de cette team. Oui, oui, oui, il y a Nassi à côté de moi. Nassi, comment ça va? Ça va et toi Fred? En pleine forme? Ouais, impeccable. C'est comment de bosser avec Cindy? C'est cool. C'est agréable, c'est tendu, c'est... Non, c'est super cool. Caractère quand même un peu, non? Ouais, caractère, mais c'est ce qui fait que c'est cool justement, tu vois, c'est bien aussi, c'est marrant. Non, bien. Ben, elle sait ce qu'elle veut. C'est agréable de bosser avec des gens qui ont quand même une idée de ce qu'ils veulent, quoi. Toi, t'avais quel rôle sur l'album, Nassi? Moi, j'étais auteur. J'étais un peu là pour les textes et les mélos, en fait, plus. Donc, vous parliez ensemble? Ça, ouais, beaucoup, énormément. Beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. T'as appris des choses sur elle. Je rêverais, c'est... Ouais, tu peux. C'est j'essaye. Nassi, ouais, qui a écrit Je rêverais. Et plein d'autres titres qu'on a malheureusement pas gardés, parce qu'on ne peut pas tout garder. T'as enregistré beaucoup de morceaux ou pas pour ce... Je pense que j'en avais une trentaine. Ah oui, il a fallu faire un choix. Ouais. Un moment. Ah bah forcément. Choix dur. Évident. Je dirais évident. T'as pas de regret, ouais, d'un morceau, tu te dis... Si, mais après ils sont pas perdus, hein, donc... Donc voilà, je peux les offrir à Noël. On va demander s'ils ne seraient pas dans le coffre-fort de Scalp que nous avons en ligne, je crois. Allô, Scalp. Allô. Hello. Monsieur Scalpovitch, comment ça va? Comment va? En forme? Super, terrible. Bon, ça fait plaisir. Tu es où? Tu es au soleil? Tu es au repos, en vacances ou tu es au, ah, en mais studio? D'après toi. D'après toi. Moi, d'après moi, t'es en studio. Le mec n'arrête jamais, oui. En fait. Non, mais t'as oui. gagné. T'as gagné. Tu voilà, fais quoi? Bah écoute, là, je suis dans un trou. Je suis à 30 mètres sous terre. Ah, sympa. Voilà, et je suis sur une bête d'inspi, donc c'est cool. D'accord, donc tu bosses pour quelqu'un en particulier ou... Bah, là, je bosse sur mon album. Sur ton album, c'est vrai que tu nous avais annoncé dans un Planet Rap que, bah, voilà, qu'il y avait l'album de Scalp qui arriverait prochainement. Exactement. Exactement. Donc ça avance bien, Scalp? Écoute, je suis très content. Voilà, je suis en pleine construction, donc tout se passe bien. Ça suit son cours et ça va bientôt arriver. Voilà. Bon, toi, Scalp, qui a rencontré et connu tellement de monde, un petit mot sur Cindy. Bah écoute, Cindy, que dire, déjà, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment. Je suis au cœur de savoir qu'elle a son Planet Rap aujourd'hui. Je me souviens encore d'elle il y a 2 ans. ça passe super vite. Et enfin voilà, quand Laoni m'a parlé d'elle, m'a dit tiens, j'aimerais bien qu'on travaille sur une artiste vraiment qui en vaut la peine et qui a une histoire, une sensibilité. Moi, ça m'a touché directement et le fait qu'on ait réussi ce pari quand même, parce que bon, elle sortait d'un concours et elle avait pas gagné, donc elle avait vraiment un handicap, on va dire, par rapport à l'émission, par rapport à d'autres personnes qui auraient pu sortir avant elle. Et je trouve qu'elle s'est battue aujourd'hui. Elle a réussi à trouver son identité. L'album qu'elle a, c'est vraiment son album. C'est quelque chose qui a été fait sur un an et on s'est vraiment battu avec l'équipe pour lui fournir le meilleur de ce qu'elle pouvait défendre. Et je suis très content. C'est une artiste qui pour moi va tout déchirer, qui tend à partager plein de choses et l'album, de toute façon, les gens vont le découvrir et je m'inquiète pas pour elle. Cindy, voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Scalp? Bah, je voudrais remercier Scalp parce que c'est avec lui que j'ai toujours travaillé déjà et parce que c'est lui avec qui on a fait le premier morceau de tous les premiers morceaux que j'ai fait qui s'appelle Mon Destin, qui est dans l'album de Team BS, et parce que je m'en rappelle très bien que c'était un beau souvenir et je garde que des bons souvenirs et j'espère que tu vas bien et prends soin de toi. Il est à 30 mètres sous terre, donc super. Oui. Mais on vit encore. Tu vas goûter des cerises de chez toi, hein. Ouais, t'inquiète, je t'en ramène des cerises. Super. Oui, super, parce qu'on a des nous, on a un beau cerisier à Royan. Oui, un joli cerisier. Oui, on l'a coupé, voilà. Ah merde, il fallait le dire. Tu vas pas goûter grand chose, Scalp. Mais j'irai en acheter, promis. Ou des bouts de branche, tu vas goûter un truc. De rien, de la terre. Une graine. On te laisse en tout cas sous tes 30 mètres. Bah écoute, welcome en tout cas, vous êtes toujours les bienvenus. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci beaucoup, bon courage pour ton album. Bosse bien. Ça marche, merci beaucoup. Scalp. À très vite, Scalp. Bonjour à tout le monde, bonjour à Steve. Yes, je suis Nassi qui est là aussi avec nous, que tu connais évidemment très bien, il est là avec nous. Ah, Nassi, hein, la voix, lui, il a 200 mètres sous les mers. C'est ça, c'est complètement ça. Bah, merci à toi, Scalp, passe une bonne soirée. Bon très courage. Bientôt. T'as bien, à merci, très vite. Ciao, on va écouter un morceau peut-être, Cindy. Un morceau parti. Qui va te rappeler quelque chose des risques. Oui, oui. Donc, oui, ça, il oui. y a qui sur ce morceau? Qui a bossé dessus? Joanne et Rami et Nazim. D'accord. Voilà, c'est une prod des deux. Enfin, ils ont travaillé à deux. Il y en a un qui a composé la mélodie, l'autre qui a composé l'instru. Et moi, je suis arrivée, j'ai chanté. Et t'as chanté, comme ça. Voilà. Ça, t'étais un peu mieux à l'enregistrement. C'était la fin, on était sur la fin de l'album pour le coup. Il fait partie des 3 derniers morceaux qu'on a enregistrés. Donc, c'était déjà plus cool. Plus cool, on savait où on en était, ce qu'on allait faire. C'était plus cool. Et bon, on l'écoute maintenant sur Skyrock des risques. C'est parti. N'oubliez pas que l'album est disponible. besoin de ta permission. Je ne suis plus une gamine. Je me bats pour sortir du lot. Je tire les miens toujours vers le haut. Je fais ça bien seul ou en duo. Je suis toujours dans le speed. J'oublie pas de remercier, scier le ciel pour ce qu'il me donne. Je sais ce que je vaux sans m'afficher, ficher. Pas besoin d'en faire des. À l'instant, c'est peut-être un des morceaux que vous avez kiffé sur l'album, puisque l'album est sorti aujourd'hui. Dites-nous vos morceaux préférés avec le hashtag Cindy sur Skyrock. On salue tous ceux qui sont là. Une petite spéciale à Sarah de Bazus à l'écoute aussi. Grosse dédicace à toute l'équipe là-bas, Sarah de Bazus. Pensez à vous fort. Et puis tous ceux qui envoient des messages aussi avec le hashtag Cindy sur Skyrock. Yes. On fait ce petit jeu, Cindy. Tu vas être épaulée aussi, tu peux demander de. Allez, Nassi. Si tu fais un mélange entre Nassi et Nassi. Il s'appelle Nassi, tu te souviens de lui? Non, mais la fatigue, là, il a bossé avec toi sur l'album. Il a travaillé avec toi pendant plus de un an. Respire. Alors, c'est très simple, c'est le cahier de vacances de Planète Rap. C'est parti. On va aller se souvenir un petit peu de tout ce qui a fait la magie des cahiers de vacances pour certains, ou alors le drame. Moi, je me souviens que c'était horrible, je détestais ça. Moi, j'aimais bien. Mais j'aimais bien 5 minutes, tu vois. C'est le truc qui m'y. T'as eu ça un peu? Ouais, mais alors le dernier doit remonter au. C'était mon cahier de vacances de CE2, je crois. Ouais. Comme ça. Pour retourner au CP. Voilà. C'était truc. Pour préparer mon CP. Commençons avec le vocabulaire. Étape vocabulaire, c'est simple. On s'est replongé dans les morceaux de Team BS. On va voir si tu as une bonne mémoire. Allez. Tiens, je mets l'extrait, on a bipé. Il faut que tu nous dises ce qui manque. C'est parti. Des mots sur un papier, beaucoup d'espoir. C'est un aller sans retour à la case départ. Un peu. Beaucoup de toi. Alors, je répète, quelques mots sur un papier, beaucoup d'espoir. C'est un aller sans retour à la case départ, un peu de. Elle de lui, de nous, beaucoup de toi. Oui, bravo. Bah, c'est mes paroles, les gars. Mais tu peux avoir la mémoire qui oui, change. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, j'ai que 20 ans, hein. Ouais. Ça arrive plus tard, les problèmes de. Deuxième extrait, écoute bien. Et peu importe ta couleur de peau, c'est pas un défaut. Quand les promesses et les sourires sont. Non, mais c'est cadeau pour l'instant, c'est cadeau. Le reste arrive, t'inquiète non, pas. Non, ma différence n'est pas un défaut. Très bien, bravo. Une fois de plus, 2 points pour Cindy. Merci beaucoup. Wow. Et troisième extrait, cadeau, encore. Allez. Sèche tes larmes. Allez, viens, je t'emmène. Voilà. Eh ben bravo, sèche tes larmes, en effet. Viens, je t'emmène 3-0. Maintenant, ça se complique. Allez. Ça, c'était pour te mettre, tu vois, tranquille. Là, tu te sens détendu. Tu dis le cahier de vacances. Je l'ai fait en 5 minutes. Géographie. C'est le week-end, donc, des départs en vacances aujourd'hui. Toi, t'as pas mal voyagé, tourné Team BS, notamment. Oui. Donc, géographie française. Dans quelle région se situe la plus belle plage de France, selon un site internet de destination, un site très connu? À ton avis, quelle est la plus belle plage de France? Je sais pas, un truc genre Saint-Tropez ou Nice, Monaco, Cannes. Va un peu vers chez toi et descends un petit peu. Un peu plus vers chez moi, descends un peu. Un petit peu. Ah ouais, je vois le avec la du Pila, non ? Encore un petit peu. On a droit à des indices ou pas ? Tu peux, non, toi, Nassine, non. Non. Et moi, j'ai le droit à des indices. Non plus. Merci. Si, ouais, je viens de t'en donner. Tu oui, vois, chez toi, tu descends. Un petit peu plus. Encore plus que de la dune du Pila ? Dans la région Aquitaine. Ok, Bordeaux. Bordeaux, il y a une plage. Voilà. Non, mais je amis bordelais, pas. Envoyez-nous ouais. des photos de votre plage. S'il vous plaît, j'aimerais la voir. Non, mais dans la je ne sais pas. C'est Biarritz. Ah, j'en étais ah. sûr. Tu vois, j'allais demander. Bah, t'en étais sûr, mais tu l'as pas donné. Non, parce que je voulais te demander un indice, soit mer Méditerranée ou océan Atlantique. Bah, océan Atlantique, si je lui dis descendre Royan. Bah, Nassi est très bon géographe. Non, moi, je suis pas bon. Je cherche la plage de Bordeaux. La Manche. Pour ça que j'ai besoin d'indices, attention. Et numéro 2, c'est la plage de Palombadia à Porto Vecchio encore. C'est numéro 3 en Dail, toujours en Aquitaine. D'accord. Maintenant, Forte, toi, c'était quoi? Non, pas du tout, non. J'aime autant de sur les maths. C'était quoi, Cindy, la spécialité que tu avais, toi? Français, en français. Rédaction. D'accord, donc maths. Bah, tiens, tu vas pouvoir participer aussi. Oui, bien sûr. Pour l'instant, nous avons 3 points pour Cindy. Ok. Donc, l'album qui s'appelle Selfie en 2014. Combien de selfies ont été répertoriés sur les réseaux sociaux avec le tag Mi et Selfie? Faut donner un chiffre. Oh là, à ton avis. À votre avis. Ça se compte en milliards de millions, ça non? Ça se compte en millions. En millions. On est en millions. Ouais. Combien de selfies ont été... Non, combien, tu sais, le mot selfie a été répertorié sur les réseaux sociaux. Selfie est mis, donc il correspond à moi. Je dirais à peu près 500 millions. Peut-être. 500 millions pour toi, Nassi, tu dis quoi? Ouais, je dirais quand même. Il y a des filles qui font que ça, donc... Je sais pas. Ouais, avec le nombre... Ouais, franchement, avec le nombre de narcissiques qu'on a à notre époque en même temps, je suis franchement... Eh bien non, c'était 230 millions de selfies répertoriés. Le terme selfie répertorié sur les réseaux sociaux. Il y a presque. Ouais, voilà, attention, là, tu dois faire mieux. Ok. Donc, depuis janvier jusqu'à hier, ton compte Instagram comportait combien de selfies de toi? Sachant qu'en janvier, il y en avait 6. En février, 9. En mars, 9 aussi. En avril, 14. Fab, tu t'es fait chier à tout compter. En mai, 10. Et en juin, 8. Et en juillet, 7. Combien en tout? Là, je viens de tout donner. Si vous êtes bon en calcul. Ah, bah. Fallait bon. Parce que les gens qui font des selfies, ils comptent les selfies qu'ils ont. Bah, si t'es bien narcissique, quoi. c'est vraiment. Si t'es bien selfieciste. Allez. Je sais pas, je me rappelle plus des chiffres. 6, 9, 9, 14, 10, 18 et 7. T'en je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine, mais il y en a plus. Ah, j'en ai oublié un 8 aussi en plus. Mais je sais pas, entre 50 et 60. C'était 63, pas loin, bravo, ah, bravo. Ça va. Mais il y en a plus que ça, non? Allez, 10 par mois, grosso modo, en moyenne. Ben non, il doit en avoir plus, c'est pas possible. C'est Fab. J'ai 500 publications sur mon Insta. Tu confirmes, hein? Depuis janvier, on avait dit, hein? Attention, depuis janvier. Ah oui, mais janvier. Ça change tout. Ah, depuis janvier. Bon, nous finirons donc maintenant sur l'anglais, répétition. Pour l'instant, nous avons 3 malheureux petits points sur ces cahiers de vacances. Attends, t'as dit 2 points. On met pas l'extrait tout de suite, hein? On met l'extrait d'abord? Tiens, alors tiens, je te file cette petite feuille, écoute l'extrait et on va voir si ton anglais est bon. Eh oui, c'est le morceau The Weeknd. Qu'on a découvert sur Skyrock, Earned It. C'est la traduction que tu veux? Non. Il va falloir que tu me le repasses en anglais, avec la prononciation. Ce qui donne, regarde, je te donne un exemple de mon anglais. So I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. Oui. So I'm care for you. I'm. Ok, bah, tu vas le faire. I'm. Concentre-toi. I'm care for you. Ok, donc je te lis cette phrase. Allez, en chantant. So I love when you call unexpected, cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you. I'm a care for you. Yeah. Wow. J'ai eu 20 sur 20 en oral de bac. Donc, t'as eu 20 sur 20 toi? Oui, 20 sur 20. Je suis parfaitement bilingue. Tu es totalement bilingue, bravo. Écoute, tu as largement. Si tu veux tenter. Ouais, bah écoute, non, ça va. Mais... Vas-y, commence un peu. Je sais dire que you. Voilà. Chez nous, c'est déjà un bon début. Non, attends. So I love when you call unexpected, cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you. I'm a care for you. Ça va? C'est vrai que c'est très bien, bon, you. Bravo, les you. Allez, on va revenir dans un instant sur Skyrock. Bougez pas avec Cindy qui est là, Cindy qui parle anglais, Cindy qui s'y connaît un peu en tout. J'ai envie de dire. On va revenir après, on mettra un morceau. Yes, Cindy. on mettra un morceau. On peut peut-être se mettre. C'est 10 mois. 10 mois, voilà, dis-moi, c'est ce que je voulais mettre en plus. Merci mademoiselle, c'est gentil. Permets-moi. C'est Marina Kaye. Ouais, qui est là aussi dans le studio. Une invitée extraordinaire juste après la pub, bougez pas. C'est parti. Hey. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Cindy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Cindy. C'est Cindy, notre invitée toute la semaine pour cette dernière ce soir aussi dans Planet Rap Cindy. Parlons avenir. Parlons avenir. L'avenir, c'est là. C'est aujourd'hui, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ça commence. Enfin. Mais alors, après, idéalement, c'est quoi? Faire beaucoup de tournées? Après, idéalement, c'est une grosse tournée, ouais. Une grosse tournée. France, bah normal, France. Belgique, la Suisse, plein de pays frontaliers, tu vois. Et pourquoi pas la Polynésie française? Aussi. L'Afrique, bien. Surtout. L'Afrique, c'est vraiment quelque chose que je veux faire absolument. T'as pas fait avec la Team BS? Non, on a pas fait de date. Non, pas encore? Non. Donc peut-être là, sur cet album. C'est ce que j'espère, vraiment, très sincèrement. Donc la tournée, tu as déjà une idée de ce que tu as envie de proposer sur scène? Oui, oui, oui. Moi j'ai même le nom. Enfin, de toute façon, en c'est général, quoi, c'est le selfie tour. Ah bah. Non, c'est vrai que la question est croquante. Voilà, mais oui, oui, j'ai déjà une idée. Et puis même ce que je fais actuellement sur scène, je pourrais toujours l'adapter. Donc tu vois, je sais où je veux aller, vers quoi, comment on va faire, comment on va procéder, tout ça, tout ça. Très bien, donc à suivre. Oui. À suivre durant cette année 2015, 2016 et les autres qui arrivent. Et les autres qui arrivent, j'espère. Dans un instant, on aura Medica par téléphone pour le freestyle. Tu feras du live. Tiens, j'ai vu tout à l'heure un message passer aussi qui disait, un des messages qui disait, moi, mon titre préféré, c'est Seras-tu là. Tu nous le feras en live, ouais, tout à l'heure, ce morceau. En live tout à l'heure, ouais. Donc bougez pas si vous aimez bien ce morceau, si vous avez récupéré l'album de Cindy. Et là, on écoute Dis-moi. Allez, c'est parti. C'est Dis-moi, parti. Le morceau. L'album disponible aujourd'hui dans les bacs, selfie. Hashtag Cindy sur Skyrock. S'il faut te donner tout ce que j'ai, tout ce qu'il me reste, je viendrai te chercher sans un bruit, sans un geste. Je te changerai les idées lorsqu'elles seront un peu trop noires. Je ne te laisserai plus baisser les bras. Et si ce n'est pas suffisant, s'il le faut, tu sais, je laisserai faire le temps. à l'instant ce morceau qui s'appelle Dis-moi, pas le plus simple à faire, dis-moi. Non, non, mais c'est surtout le yaourt, parce qu'avant d'être une chanson, c'est un yaourt. Donc ça donnait quoi au début, le yaourt? On en parlait juste à l'instant. Parce que moi j'ai pas écouté le, je découvre le morceau en fait, je l'ai découvert ce matin en téléchargeant l'album. Légalement sur iTunes bien sûr. Bien joué. Évidemment. Et quand on avait fait ce truc, c'est vrai que c'était Scalp qui avait travaillé sur la mélodie et tout. Et quand on avait entendu Scalp faire ce truc, on se regardait avec Cindy, on se disait c'est vrai que au niveau du texte ça va être compliqué quand même. Puis là finalement j'écoute le résultat et je suis agréablement surpris, c'est vraiment lourd. En fait, donc écrit... ça partait de quoi, rappelle-nous le yaourt. Le yaourt c'était get you know. C'était ça en fait. Ça rappelle le même titre? Non, pas tellement, non. C'était genre du franglais. Genre, on parle d'un mec qui est 30 mètres sous la terre, quand même, ouais. Hein, tu vois. C'est vrai. Tu sais, au moment où je dis s'il le faut, tu sais, je laisserai faire le temps. C'était I can't wait for your love. Tu vois, je m'en rappelle parce que c'est justement ces sonorités-là qui te ramènent vers ce que t'écris. C'est toi qui avais posé le yaourt? Non, c'était Scalp. Ah, c'était Scalp. Mais je connaissais le yaourt limite par cœur. Scalp, il est incroyable. Attention. Ouais, ouais. J'aimerais bien écouter ça, tiens. Et ce morceau, je l'ai écrit, j'étais énervée. Mais tu sais, excusez-moi, tu m'as regardé genre, oula. Qui t'avait énervé? Énervé, une déception, bah, tu sais, comme il y en a dans la vie, tu vois. Et tu travailles pour un truc, au final, tu l'as pas. Et j'étais énervée, mais contre la planète entière. J'étais en voiture, j'allais en vacances en plus. Et j'étais en train de gueuler au téléphone, mais vraiment, la crise de nerfs de l'année, tu vois. Et après, je me suis enfermée dans mes écouteurs et j'ai écrit. Et le dis-moi? Et le dis-moi, je sais pas, c'est venu. Parce qu'il est pas simple celui-ci. Il est pas simple à faire. Non, mais une fois que tu le poses, dis-moi si tu m'aimes. Une fois que tu l'as, c'est bon. Mais c'est de la trappe un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça aurait été plus difficile si j'avais mis autre chose. Je pense que dis en soi, tu peux quoi. D'accord. Mais si j'avais mis fais ce que tu veux, ça aurait pas été pareil. C'est pas la même chose. Les Didi et les Youyou sont très à la mode en ce moment. C'est fou, hein, dans votre équipe, avec Scalp, avec toi, Nassi. Je sais pas ce qui se passe en ce moment chez vous. Tu brilles aussi, attention. Je veux juste faire un bisou à Alexandra qui m'écoute avec 6 heures de décalage. Donc ma copine, donc je te parle. Ah, elle est arrivée. Oui, elle est arrivée et elle a pris plein de coups de soleil. Je pense fort à toi, Kiki. Rappelle-nous, Kiki, elle est partie. Donc Kiki est partie à Miami pendant 4 mois pour ses études et elle a intérêt à revenir très vite parce que c'est déjà très long. Donc voilà. Non mais pour de vrai. Oui mais bien sûr, Fred. Non mais bien sûr. Tous les jeunes ne sont pas dépravés hein. Non mais ils peuvent le devenir. Surtout à Miami. C'est vrai. Kiki, fais attention à toi, Kiki. Attention hein. Kiki. Je pense fort à toi. Les gens bizarres à Miami. Oui, il y en a, oui. Ils font beaucoup de sport. Cindy avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Je vous présente maintenant monsieur Medica de Tourcoing. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Ça va en pleine forme? Ça va et vous? Eh ben écoute, nous si on va bien, les vacances approchent. Pour toi c'est quoi? C'est vacances, c'est boulot? Ah, c'est vacances là, mais je taffe lundi donc. Donc pas encore. C'est la merde. Pas encore. Je peux juste un big up à Cindy, hein. continue. Merci beaucoup, ça. Salut à toi, excuse-moi, j'étais sur mon téléphone, ça va? Continue comme ça. Vous êtes très honnête. Oh, écoute. Ouais, t'en as rien à foutre quoi. Non, j'en ai pas rien à foutre puisque j'étais en train de m'arrêter pour l'écouter. Maintenant, je suis toute à toi, je t'écoute. Donc maintenant, elle va t'écouter, promis. T'as déchiré, hein. Elle ne va pas jeter pendant ton freestyle un regard sur son téléphone. Pas du tout, promis. Allez, c'est parti, on t'écoute, c'est l'heure du freestyle par téléphone, Medica. Tourcoing, le 5-9. Ok, Medic. Médic. Avance avec ou sans eux, n'attends pas de l'aide. La vie te rend malade et y'a toujours pas de remède. Elle te fera pas de cadeau, même si c'est ton anise. Préparez votre ado, c'est le tsunami si j'arrive. Laisse-moi poser ma rage, ouais, laisse-moi poser ma haine. Suffit d'un son pour les mettre à la page, toutes ces chiennes. Je peux faire du sale comme du conscient, j'ai trouvé ma vocation. C'est l'heure du crime si tu réveilles le dragon dans mon caleçon. Et je continue à écrire, c'est comme ma drogue en sachet. La concurrence me fait rire car je vois qu'elle est tachée. Je vais pas dire que je suis le meilleur, ouais, c'est loin de l'être. En tout cas, je suis challenger qui vient dépasser le maître. Ma force et mon vécu, mes écrits sont véridiques. Y'a pas que la mort qui tue, non y'a aussi Medic. Arrêtez les plaisanteries, c'est plus l'heure de rigoler. Vous pourrez me faire une gâterie, si seulement vous le méritez. Bon. Ok, Medic à l'instant en freestyle. Donc c'est Medic, hein, c'est bien ça. Et c'est... tu veux demander à Fred, je n'ai pas jeté un seul œil à mon c'est téléphone. C'est vrai, ah, merci, je suis très attentive. Je surveillais, et alors, tu en penses? C'est bien, c'est sympa. Du bien. Continue à travailler. Medic. Ouais, et je peux faire quelques. J'ai beaucoup de dédicaces. Non, mais alors, vas-y. Non, je rigole. Oh, non, mais ça va, c'est dur. Non, je rigole. Le mec est arrivé très sympa au début. Il va repartir, il va raccrocher. Non, putain, les connes, celle-là. Je me fais pardonner. Allez, on t'écoute, vas-y. Donc je vais dire d'abord pour ma famille, mon père, Océane, ses fils, Elia, Maïsan, Flora, Pelinda. Ensuite, pour mes potes, Héritier, le prince Mohamed Abou, Cyril, Gens, Derem, Hermano, Philo Record, c'est un bon studio d'enregistrement, Kaou, Martin, Cassandre, Didier Madibako, Lisa, Jason, Cindy, Ryan, Cobb Benz, Tonista, Joe et SR36, et ma tante Hanen, Chris et son fils. Voilà. Moi, j'ai une question. Eh ben, merci. La dédicace à Cindy, elle était pour moi ou pour quelqu'un? Non, plus pour toi. Allez. Bah, en fait, elle était pas pour toi, mais si tu veux, je prends la pour toi, y a pas de problème. Vas-y, cool, merci. Cool. Ça me fait plaisir. Et sinon, on peut me retrouver sur Facebook. Ouais, ouais, on fait quoi? MEDI-6K, Gizzy Yuzu. Ouais. C'est donc, quoi ton Twitter? Moi, j'accepte tout le monde, comment? C'est quoi ton Twitter? Mon Twitter, Medic Rap. C'est ça. Tu peux me Medic tweeter là parce que je me rappellerai. MEDIK Rap. MEDIK. Bon, au pire, ouais, je vais te tweeter après si tu veux. Ça marche, ok. Donc voilà, merci à vous. Et, bah, merci et à va acheter mon album. T'inquiète, y'a pas de soucis, c'est direct. Que des coups de pression. Ouais, bisous. Bisous. Je me perds pas le nord quand même. J'ai dit bisous beaucoup. Ouais, bisous ouais, beaucoup, surtout hein, si tu achètes mon album. Surtout, Salut Medic, à l'instant. Au freestyle par téléphone, tiens, mets-toi un morceau de ton album tout de suite, Cindy. Un titre inédit qu'on n'a pas mis de la semaine. Oui, c'est un des morceaux que je préfère. C'est Est-ce que tu me suis, c'est ça? Est-ce que tu me suis, oui. Donc souvenir pareil de celui-ci. Souvenir, ça a été un coup de cœur tout de suite, vraiment. C'était génial. J'ai kiffé l'enregistrer. T'étais dans l'équipe ou pas sur celui-ci? À ce moment-là, non. Au niveau des titres, j'ai du mal à me resituer. Bah, toi, en même temps, mais... c'est vrai que tu te souviens des yaourts. Voilà. Tu te souviens des noms en yaourt. Bah, bizarrement, ouais. Est-ce que tu me suis? Non, je me souviens pas. Tu sais quoi, on va l'écouter. Si jamais ça te revient, tu nous dis. Exactement. À n'importe quel moment, écoute bien. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui, c'est oui, ça y est, c'est le fait. Chercher. L'album s'appelle Selfie. Hashtag Cindy sur Skyrock. Jusqu'à ce soir dans Planète Rap. T'as le sourire de l'ange, mais l'amour c'est pas le paradis. T'as le regard étrange, je sens ta peur, ta jalousie. Même sans dire un mot, tu sais ce que tu veux. Tu as du feu dans les yeux, tout contre ma peau, tu joues à des jeux. Souvent trop. Tu me suis. Est-ce que tu me suis? C'est sur l'album Selfie de Cindy. L'album c'est est dans les bacs depuis ça. Aujourd'hui. Ça y est, il est lâché. Vous avez tout le week-end encore pour vous procurer l'album, évidemment. Oui, vous avez encore le. Bah, vous avez toute la vie maintenant, en fait. J'allais dire, vous avez encore le temps, comme si ce soir c'était fini. T'sais. Non, non, non, allez le chercher. Et dès maintenant aussi en téléchargement légal, tout comme Nassil. Ouais, ouais, moi, j'ai pris sur iTunes ce matin. Très, très bien. C'est bien passé ta tortue. Il n'y a pas, pas de réclamation. Non, ça va. Au top. Et bah, j'ai pas bien. Encore eu le temps de tout écouter, mais j'en ai écouté quelques-unes tout à l'heure dans le métro. Ça, moi, je me mets très bien. Franchement, je suis. Nassil bon. Prend le métro, c'était l'info aussi de la soirée. Oui, ouais, oui, je prends le métro, le train. J'en ai d'autres, mais. Un autre planète rap. Pendant ce temps, Cindy est en train de mourir. Oui, voilà, je comble le vide. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour cette fois. Comme dirait ma grand-mère, j'avais allé du côté du dimanche. Oh, c'est mignon. Voilà. Bon, salut mamie d'ailleurs. Oui, coucou mamie. On lui fait un bisou. Bonjour mamie. Je suis sûr que tu me regardes. Papy aussi, Guillaume. Qui sont adorables. Ah bah ils sont venus aussi au studio. Ah, ils sont adorables. C'est vrai. Non, ils ont pas pu venir. Ah, ils ont pas pu venir. Ah non, et c'est royant, c'est 5 heures de route. Moi je les avais vus une fois moi. Oui, tu les as déjà vus, ouais. Ouais, ouais. Guillaume aussi d'ailleurs. Ouais. Oui. Tout à fait. Voilà. Et bon, salut toute la famille là-bas du côté de Royan. Est-ce que tu es prête pour conclure cette semaine en beauté avec des lives maintenant, Cindy? Alors, attends, je vais suis concentrée le truc. Sur un message. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a vraiment des gens qui craquent. Hein. Lequel t'as vu? Le jaune? Oui. Ah, mais lui, c'est un habitué, lui. Ah, d'accord. On a quand même on a 2-3 comme ça. D'accord, excuse-moi. Qui viennent régulièrement. Ils doivent faire des séjours et ils ressortent. Donc, ils ont besoin d'envoyer des messages. Mais moi, je comprends rien. Ouais, moi non plus. Je comprends rien. C'est la cohérence du truc. Il parle de sorcières, de trucs. Oui, avec des petits noms d'oiseaux très sains, ça peut être ça. Et bon, c'est moi ma gueule, enfin bon, du tout. Enfin, il en faut. Hein, enfin, faut. Voilà quoi. Oui, mais il faut tout pour faire un monde, voilà, il faut, et on le salue, et j'espère que ça ira mieux d'ici quelques jours. Sinon, s'il y a des hommes en blanc qui viennent à la maison, c'est normal, rassure-toi, ils vont te faire du bien. Oui. Cindy, tu es prête? Oui. Oui, oui, on attaque par quoi? Seras-tu là? Oui, on va commencer par seras-tu là, comme ça après je relève un peu le niveau et je vous fais un peu plus sourire. Allez, oui, avant de se mettre une balle. Oui, oui, oui, parce que c'est vrai que ce morceau, bon, pour ceux qui l'ont entendu. Ah, c'est pas le plus gay de tous. Hein. Je l'ai passé mercredi. C'est le morceau, bah, c'est la balade de l'album, c'est le morceau où tu pleures parce qu'il en fallait bien un. Et voilà, je parle à mes proches. Et parce que voilà, je suis comme ça. Et là, tout ce que je dis pour le coup est très sincère et comme toujours. Et voilà. C'est la première fois que tu fais en live? Ouais, en live, c'est la première fois, ouais. Mais ça va aller. Et ben, on y va. C'est parti. Je serai seul au monde, aucun sourire à la ronde, quand mes rêves auront perdu leur voix. Quand j'aurai le cœur en hiver, quand je ne saurai plus comment faire pour affronter les démons en moi. Si je tangue comme un bateau ivre, si je me noie que rien ne me fait vivre, si je reste déçue, et quand j'aurai tout perdu, l'amour et la foi, seras-tu, seras-tu près de moi? Oh, oh, oh, si je n'ai plus la confiance en moi. Tu près de moi. Oh, oh, oh, oh. On brille pour quelques secondes, puis l'obscurité nous inonde, éphémère comme le jour qui s'en va. On se consume, on renaît, au destin on se remet. Non, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Si je tangue comme un bateau ivre, si je m'enferme en croyant être libre, si je reste déçu, et quand j'aurai tout perdu. Seras-tu près de moi? Oh, oh, oh, oh, si je n'ai plus la confiance en moi. Oh, oh, oh, si tu tombes, c'est moi qui serai là. Parmi les ombres, pour te rendre ton éclat. Et si tu tombes, je marcherai pour toi. Quand l'espoir ne sera plus, quand on aura tout perdu, tout perdu, l'amour et la foi, seras-tu, seras-tu près de moi? Oh, oh, oh, oh, si je n'ai plus la confiance en moi, oh, oh, oh, seras-tu, seras-tu près de moi? D'émotions. T'as la petite larmichette à l'œil. Bah pas loin, ouais. Bah oui, je vois. Beaucoup d'émotions. Tu veux qu'on rembraye sur un truc? Ouais, on va parler d'autre chose. Non, sur un autre morceau, je m'en fous, tiens. Hop. Salut, c'est parti, bon, on y va. Allez, comme ça, on embraye. Direct. Allez, mon petit chouchou. Parce que voilà, c'est fait que j'ai quelque chose pour eux. Et... ça fait un petit moment que je les ai pas vus là, donc. Mais c'était toi ou moi? Je te dis la vérité. Mais Nassi, il a les lunettes. Non, moi, ouais, moi j'ai. En plus, conjonctivite, tout ça, on aurait plus eu après. Menteur, t'es plus suite, t'étais à pleurer à l'instant, là, t'es. Conjonctivite, elle a bon dos, la conjonctivite. Non, franchement. Allez, on applaudit Cindy, ça allait faire du bien. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Allez, on change. Et bravo à Dynasty. Ouais. Un autre morceau? C'est parti, on part sur Je m'en fous, parce que tout le monde adore ces morceaux. Quelqu'un qui m'appelle? Non? Ouais. Je vais décrocher, je m'en occupe. Allô. Wouh. Ce n'est pas quand tout est beau que l'amour se teste. T'as toujours besoin de faire le show, surveille tes mots et tes gestes. Et tu peux garder tes mots, ils sonnent faux, un peu comme le reste. J'ai pardonné, mais je veux plus supporter. Notre histoire aujourd'hui n'est plus qu'une parodie, puisqu'on s'est tout dit. Je m'enfuis, pourquoi me sourire? J'ai le cœur rempli de flammes, je vais pas courir. Ceux qui font souffrir sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Je sais que derrière mon dos, t'as les yeux qui traînent. Tu peux remballer tes cadeaux, t'as flûté tous tes bohèmes. Et tu dis que tu m'as dans la peau, ça sonne faux, ce soir la coupe est pleine. T'as pas su ravaler ton ego, tu sais. Il vaut mieux qu'on se laisse. Histoire aujourd'hui n'est plus qu'une parodie, puisqu'on s'est tout dit. Je m'enfuis, pourquoi me sourire? J'ai le cœur rempli de flammes, je vais pas courir. Sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. L'album est toujours disponible, enfin depuis aujourd'hui d'ailleurs, donc allez le chercher, n'hésitez pas. Hashtag Cindy sur Skyrock. Et c'est une bombe. Ceux qui font souffrir sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Pourquoi me sourire? J'ai le cœur rempli de flammes, je vais pas courir, pleurer ou faire un drame. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ceux qui vont sourire sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. Allez chercher l'album Selfie 2015. Ceux qui font souffrir sont souvent ceux qui disent je t'aime. T'as voulu jouer, tu récoltes ce que tu sèmes. À l'instant, ce morceau, bah ça va mieux. Ouais. Non mais même le ça morceau, m'a... je m'en fous. C'est que le morceau d'avant, même ça m'a fait du bien de le chanter parce que je sais qu'il m'écoute, donc du coup je les embrasse fort. Eh bah ben voilà, seras-tu là et je m'en fous. À l'instant, c'est deux morceaux que vous retrouvez sur l'album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Qui est très. Album très de Cindy. Est-ce que tu peux annoncer aussi les gagnants, Cindy? Oui, c'est l'heure des gagnants. Des snaps gagnants. Ça, en mode, je suis trop contente. Alors. Ceux qui se sont mis en scène, qui ont envoyé des photos. Qui ont fait des trucs un peu sympas, différents. Via le snap de Skyrock, c'est Skyrock tiré du bas FM pour envoyer aussi et continuer à envoyer des photos. Alors, la première gagnante, c'est Leila Zao. Voilà. C'est son pseudo. Oui, c'est son pseudo. Je donne son vrai prénom. Enfin, non, Leila Zao, c'est bien, voilà, on se connaîtra, Leila Zao. Donc, première pseudo, gagnante. Donc, voilà, tu as gagné, félicitations. Bravo. Ensuite, il y a Sanae Benz. Ou Benz. Benz. B-E-N-S. Benz, t'inquiète, c'est bon. Donc, félicitations, ma belle, tu remportes l'album dédicacé aussi. Après, nous avons. Ensuite, nous avons Lucie du 03. Là, elle y représente, si t'inquiète. Et voilà, The Leaser, très bien. Et tu remportes aussi l'album. Bravo. Bravo. Et il y a aussi Roman HSX qui gagne. Bravo. Qui gagne, bravo, bravo Roman. Bravo. Et le tout ou la dernière. En dernière position, l'Algrienne. Voilà. L'Algrienne. Qui est un mélange entre Yen. Non, l'Algrienne. L'Algrienne, mais qui est pareil. Mais, c'est un mais... peu simple. Ouais, je voilà, un mélange entre les deux. Bravo. Tu vas voir un peu, mais j'ai même pas ma télé. C'est l'Algérienne, en fait, je pense, mais il manquait une lettre ou deux, en fait. Je crois que tu t'es trompé, vraiment. Ah oui. Je dis ce qu'il y a. Alors, fais voir un peu. Je suis d'accord. Ils sont sympas, hein. En tout cas, vous avez été nombreux, merci beaucoup. Si c'est ça, c'est quelqu'un qui m'appelle en inconnu. Il faut arrêter. Si c'est ça, les snaps, machin, moi je préfère qu'on m'envoie d'autres genres de photos. Envoyez des photos. Franchement, ça un vaut peu pas le coup d'avoir du Snapchat comme ça. Envoyez des photos un peu moins ramadan pour Fred, s'il vous plaît. Oui, c'est ça en fait. Snaptor. Non, bravo à vous. En tout cas, vous repartez avec l'album dédicacé. Quoi? Vous repartez avec l'album dédicacé de Cindy. Bravo à vous cinq. Et merci à vous tous d'avoir participé. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. Allez, c'est parti. Skyrock t'offre Black M et Big Free Oli aux arènes de Bayonne. Plus des 3 places de ciné, l'épreuve 2. Allô, Émilie de Limoges. Comment ça va, Émilie? Allô, ouais, ça va et toi? Ça va en pleine forme. Salut. Ça va? Ah, un petit décalage avec Limoges et le studio. Bon, t'es prête à faire tourner la roulette, Émilie? On y va, t'es en vacances, toi, Émilie? Ouais, en vacances. T'es bien là, hein? Tranquille, hop, les vacances. Tu pars ou tu restes à Limoges? Non, je reste à Limoges. Tu restes à Limoges. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est Émilie. Eh bien non, tu vas partir 23 juillet. Tu seras au concert de Big Flo et Oli aux arènes de Bayonne. Et le 24 juillet, concert de Black M également. 23 et 24 juillet. Et puis des places aussi pour aller voir l'épreuve 2, là que tu peux mater pour le coup à Limoges. Et dans toute la France, bravo. Des places pour le gros carton ciné avec Skyrock. C'est pour toi, Émilie. Oh, merci beaucoup. Je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Je veux passer une dédicace à ma sœur qui est en train d'écouter, à Nadège. Et voilà. Ah, aussi, Cindy? Oui. Il y a une amie, elle est en train d'écouter. Elle m'a dit de te dire que tu déchires. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nadège. Nadège. Bah, je pense qu'elle m'écoute, du coup, si elle écoute, c'est logique. Je suis fatiguée, d'accord. C'est la fin de semaine. Je te fais plein de bisous, Nadège. Et va acheter mon album si c'est pas fait. Ça, c'est Émilie, tu comprends. Et Émilie. Non, mais justement, je fais des bisous à Nadège. Et maintenant, je fais des bisous à Émilie. Et bah, bisous à tout le monde. Ciao, les filles. Ciao, ciao. Merci, merci à vous tous. Petite dernière dédicace aussi pour finir. Un gros bravo à Tutu, Linou, Joe et Farid pour le bac, parce que c'était les moments des bacs. Mm. Clément de Bordeaux et tous ceux aussi. Et le brevet aussi, c'est tombé aujourd'hui. Brevet aujourd'hui. Félicitations. Eh ben bravo, tout ça, ça nous rappelle quelques souvenirs. Ça y est, c'est fini. C'était mémorable. Le mot de la fin, c'était merci. Magnifique. Déjà, merci Nassi d'être passé ce soir. Bah, merci à vous, moi je reviendrai, c'était très drôle. Et bah, avec grand plaisir. Très sympa, très accueillant, très chaleureux. Comme d'hab, et tu connais, t'es déjà venu plein de fois. Hein. Ouais, mais là, c'était Cindy, c'était encore au-dessus, tu vois. Il y avait un truc. Et l'album est très très lourd, il est dans les bacs depuis aujourd'hui, il est vraiment lourd. On a participé, je big up ma team en même temps, par la même occasion, Scalp, Karim, Jibs. Tout le monde. Hein. Et toute l'équipe, ouais. Toute l'équipe. Qui sont à 30 mètres de profondeur. Toute l'équipe, voilà. Toute l'équipe de Cindy. Johan aussi qui n'est pas là. Johan, Romaric, Dynastive, enfin toute l'équipe, voilà tout le monde. J'embrasse aussi ma sœur qui m'écoute. Je sais qu'elle m'écoute aujourd'hui. Ma sœur, mon frère. Bisous voilà. À l'assistant. Bisous voilà. À la soirée. Et merci aussi à toi, Cindy, pour cette belle semaine. Beaucoup de bonne chance et beaucoup de bonheur autour de cet album qui t'emmène loin, partout, pour aller rencontrer les gens un petit peu partout, aller sur scène. J'espère qu'il m'emmènera encore plus loin que je n'ose imaginer. Exactement. L'album C'est Selfie, il est sorti aujourd'hui. Merci à vous tous. On va retrouver Difool maintenant qui doit être là connecté. Je crois que tu vas le voir d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je vais le rejoindre. Et oui. Ah, Marie. Bonjour Cindy. Oh putain, la voix de l'over qu'il a pris grave. Normal. Attends Cindy. Ouais, on sait sa voix habituelle. Exactement Bruno. Il faut, je l'ai reconnu moi ta merci, voix. Merci Fred. J'ai reconnu ta voix habituelle. Okay. Eh bien, merci pour cette semaine, Cindy. Ouais, tu fais nous faire un petit coucou. Cette semaine, on aura eu du monde. On aura eu la Fouine qui est passée nous voir. Ouais. Et on était avec Niska. On a passé un bon moment. Salut Niska d'ailleurs. Ouais. Merci pour les t-shirts. Ça va être gros, hein, ça, l'arrivée de Niska à la rentrée. Ouais, tu l'avais fait découvrir dans Planète Rap, la Nocturne. Dans la Nocturne, ouais. La Nocturne. La Nocturne d'ailleurs, tout à l'heure, à minuit. À avec quelqu'un que tu connais bien, c'est DJ Scorp qui mais débat. Bien sûr, bien salut bien mon vieux, tu me reconnais. Il nous fera un mix. C'est dans les bacs ouais, c'est dans les bacs aujourd'hui. Son projet. Il nous fera un gros mix rap français. Ah, ça a mixé tout à l'heure. Donc à minuit, juste après la radio libre. Juste après vous. Ne loupez pas le rendez-vous avec la Nocturne de Fred. Et puis Cindy, bah, tu viens nous faire un petit coucou dans un instant. J'arrive. On t'attend. On aura. Oh, il y a du monde ce soir. Il y aura Pamela. Cédric a une surprise et sourire jusqu'aux oreilles. Pas c'est ouf. Il prépare une surprise pour ce soir. Je sais pas ce qu'il nous fait ce soir avant minuit, mais il est content. Hein. Ah, ouais, il a l'air. Viens Cindy, on va t'accueillir. Ça marche. Non, mais je suis content de recevoir Cindy, moi. Attends, tu sais que ce que tu viens de me dire, ça me fait vraiment flipper. T'en as conscience. Viens Cindy, on va t'accueillir. C'est vrai qu'en même temps, il fait flipper. Viens, je t'accueille. Je pense que Cédric d'ici 15-20 ans le retrouve dans les tu sais sur les réseaux là, les réseaux qu'on écoute tous les vendredis. Les pervers ouais. Les réseaux de Pamela, je pense qu'on le retrouve avec les pervers Cédric. Il y a de fortes chances. Ça sert à rien que je vienne avec elle hein. Non, c'est bon, tu peux rester là où t'es poteau. T'inquiète, je suis là, je veille. Ah, il y a Marie si tu veux, tu vois. On fait confiance à Marie alors. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, je serai pas toute seule au moins. Non. Bah à tout de suite. Et à tout de suite tout le monde Radio Libre ça démarre, c'est au 01 53 40 30 20, vous pouvez nous appeler, on est en direct. Donc allez-y, profitez-en, vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous. C'est parti avec Major Lazer. Tout de suite et vous tous en direct sur Sky. Ciao. Ciao. Radio Libre, 21h minuit.